Bonjour, enfin, bonjour en fin d'après-midi. Comme tous mes prédécesseurs, je vais bien sûr remercier les organisateurs de cette journée, de ces deux journées, qui nous ont permis de réfléchir et d'entendre des tas de contributions tout à fait intéressantes sur ce sujet. Je vais essayer de terminer dans les temps et d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et en l'occurrence, pierre bien modeste, puisque je ne suis que doctorant, je suis au début de ma recherche doctorale, même si celle-ci s'est entamée il y a déjà quelques années au profit d'un séjour très long que j'ai fait dans un pays voisin de celui dont je vais vous parler, puisque j'ai vécu au Salvador, donc juste à côté du Guatemala. Et donc c'est évidemment ce qui m'a inspiré. D'autre part, le thème de mon travail doctoral que je mène ici même au CMH sous la direction de Patrick Michel porte sur les relations entre religion et politique, pour faire très, très large, et essentiellement sur le thème de sécularisation, désécularisation et comment tout ça s'articule avec la manière dont le politique peut ou pas s'en emparer, à moins que ce soit la religion qui s'empare du politique d'ailleurs. Voilà, pour faire très simple. Le propos qui m'amène devant vous est justement d'essayer d'observer un petit aspect de ce travail doctoral qui est le mien, et de me demander en particulier qu'est-ce que les évangéliques font au Guatemala, ou plus exactement, pour être correct, à qui s'adressent-ils? Parce que lorsque j'ai commencé ce travail, ben, je suis parti avec finalement des préjugés, sans doute, des prénotions, dirait Durkheim, sur le sujet. Le sujet était très simple, et alors c'est amusant parce que c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est que les évangéliques, en gros les églises pentecôtistes ou néo-pentecôtistes, je m'occuperai de cette dénomination-là juste après, s'adressent finalement aux classes relativement aisées. Et la preuve en est, ils disposent de moyens gigantesques, notamment des chaînes de télévision, des moyens éducatifs qui vont depuis la maternelle jusqu'à désormais l'université. Ils ont des lieux de culte. La première fois d'ailleurs, je me suis trompé, j'ai cru que j'allais dans un centre commercial. Non, c'était la nouvelle église qui venait d'être inaugurée. Donc, pour une mentalité chrétienne européenne qui débarque, c'est assez surprenant. Donc j'étais parti sur cette idée-là. Et en fait, comme je suis un petit peu curieux, les villes et les grandes villes, c'est intéressant, mais il y a aussi des campagnes, des zones rurales, et je me suis aperçu qu'on avait une floraison d'églises, alors de toute dénomination. D'ailleurs, quand on s'adresse aux gens eux-mêmes et qu'on leur demande s'ils sont pentecôtistes, néo-pentecôtistes ou quoi que ce soit, ils sont bien dans l'embarras, et les réponses qu'ils vous donnent vous mettent vous dans l'embarras pour renseigner vos enquêtes. C'est très compliqué, et c'est une des choses d'ailleurs sur lequel je vais revenir. Alors, pour commencer, parce que je pense qu'il faut toujours essayer d'établir les choses, voilà, juste un petit panorama amusant. J'ai trouvé ça, je suis désolé, c'est en anglais, parce que je travaille beaucoup en anglais en ce moment, donc je me suis laissé aller à la chose, je me suis aperçu tout à l'heure que c'était en anglais. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est plus le dessin des dénominations, disons, protestantes, vues par le journal économique The Economist, ce qui prouve que même dans les journaux économiques, on trouve des choses sociologique, c'est pas nouveau, mais c'est intéressant de le rappeler. Et vous voyez disons, l'ensemble gigantesque de ce que constituent les dénominations protestantes. Sur cet ensemble, vous constaterez la partie basse du document, sur laquelle vous voyez la période en orangé qui s'appelait Great Awakening, c'est-à-dire les périodes revivals, on dit aussi parfois le grand réveil, hein, qui a marqué le 19e siècle américain et le début du 20e également, suivi par Modern Evangelical Movements, donc les mouvements évangéliques, donc ceux qui nous concernent seraient donc tout en bas. Et vous voyez la diversité de ces branches. Je me garderai bien de rentrer dans le débat théologique, parce que je pense qu'il faudrait y consacrer trois colloques et plusieurs mois. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on aboutisse à une conclusion. Sébastien Fad d'ailleurs, qui s'y connaît mieux que moi sur le sujet, confirmera que c'est assez complexe. Juste également pour resituer le panorama propre qui est le mien, c'est-à-dire celui d'Amérique latine, tout le monde sait, ou du moins tout le monde pense savoir ce qu'il en est, un continent marqué évidemment par un catholicisme dominant, lequel catholicisme est, Bastien nous l'a assez démontré, concurrencé aujourd'hui par une montée des mouvements protestants, vous comprenez maintenant pourquoi le pluriel, et cette statistique tirée des études du Pew Research, quand même un organisme assez sérieux dans ses études, 2014, on n'est pas très éloigné de nous, où vous voyez que les protestants, mis ici au singulier, mais que je mettrai moi au pluriel, sont passés en l'espace de une soixantaine d'années de, en gros, pas grand-chose à 20% de la population des croyants qui se déclarent comme tels. Je ne reviens pas sur les limites méthodologiques de ce que veut dire les croyants qui se déclarent comme tels. Je pense que nous savons tous ici ce qu'il en est. Ce qui est intéressant, c'est qu'un grand nombre de ces protestants sont donc d'anciens catholiques. Je pense que c'est un point intéressant à souligner, ce n'est pas ce que nous explorerons aujourd'hui, mais je pense que des gens qui se convertissent n'ont pas nécessairement la même manière, le même rapport, si vous voulez, au religieux, à la croyance, et pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure en début d'après-midi, non seulement à ce que l'on croit, mais à la manière dont on opère sa croyance, donc la pratique, la praxis religieuse, ça c'est toujours difficile aussi à appréhender. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout en bas de l'échelle, vous voyez le Guatemala, puisque c'est de cela dont je vais vous parler, où l'on aurait à peine 23% des protestants ex-catholiques, ce qui signifierait par conséquent que l'essentiel des protestants guatémaltèques aujourd'hui ne sont plus des convertis, mais bien des protestants, je dirais, d'origine. On en serait donc, en fait, à la deuxième génération, celle qui a suivi la génération des convertis dans les années 60-70, peut-être même, d'ailleurs, compte tenu de la jeunesse de la population, à la troisième génération. Il y aura lieu, d'ailleurs, de se demander quelles évolutions cela pourrait avoir, à la fois sur le plan démographique et sur le plan théologique. Là-dessus, je passerai rapidement sur ce tableau, ce serait fastidieux de le lire, c'était juste pour signaler d'ailleurs que, comme toujours lorsque l'on parle de religion, il faut se demander comment les gens s'identifient eux-mêmes. Et lorsque l'on regarde ce tableau, si vous prenez le Guatemala qui se trouve, alors vous avez le Salvador vers le milieu, ça y est, le Guatemala vers le haut, c'est le cinquième pays, vous voyez, qui, donc pourcentage des protestants qui disent appartenir à une dénomination pentecôtiste, on est à 57%, qui s'identifie comme pentecôtiste, seulement 52%. Bon, donc ça prouve qu'il y a déjà un décalage, et on ne parle que de pentecôtiste. Alors, voilà, ça aussi, ça, c'est une enquête du Pew Research. Enfin, je voudrais juste rappeler la vague historique. Alors ça, ça doit être ma formation d'histoire au départ. Je pense que c'est toujours important de resituer, surtout quand il s'agit de mouvements religieux et sociologiques en général, la progression historique des choses. Traditionnellement, on décrit l'arrivée du protestantisme au Guatemala par vagues. Il y aurait une première vague située 19e, début 20e, puis une deuxième vague dans les années 30 et une troisième vague qui démarrerait à peu près dans les années 60. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'au cours de mes recherches, j'ai rencontré des travaux d'une anthropologue très connue au Guatemala, Claudia Dary, qui, lors d'un colloque au Salvador en 2011, a présenté un séquençage historique un petit peu différent et qui m'est apparu assez intéressant, je me propose de partager avec vous très rapidement. Donc, elle distingue, au tout début, la toute première période, qui n'en est pas vraiment une, mais qu'elle situe au début du 19e, l'arrivée des colporteurs, c'est en fait de missionnaires indépendants qui portaient les Bibles, qui allaient par-ci, par-là, par monts et par vaux, porter la bonne parole, mais qui ne constituaient pas, à proprement parler, des églises. Puis, la première vague, celle qui démarre dans les années 1970, les églises protestantes dites d'immigration. Alors c'est amusant de s'entendre parler d'immigration quand on parle d'églises qui sont souvent originaires d'Europe. Nous on aurait dit d'émigration, bah oui, mais vu de l'autre côté c'est de l'immigration. Bon, par exemple l'église anglicane, l'église luthérienne, bref, des églises européennes qui se sont installées par là-bas. Suivi dans les années 80 par un premier changement qui sont les églises protestantes dites de mission, notamment d'ailleurs les amis, les friends, donc les Quakers hein, américains, l'église du Nazaréen qui a une origine américaine, nord-américaine d'ailleurs aussi, voilà. Et la troisième caractéristique, ce qu'elle a appelé des églises protestantes de foi, et notamment la fameuse mission centra-américaine, hein, qui est bien connue des spécialistes de la zone, dont l'origine, si mes souvenirs sont bons, se trouve être au Costa Rica d'ailleurs au départ, qui ensuite s'est orientée par là, mais déjà plus autochtone. Dans les années 30, changement de dénomination, vous noterez, on parle d'église pentecôtiste. Donc déjà, on est passé des protestants, disons, traditionnels aux pentecôtistes, notamment donc les fameuses assemblées de Dieu, hein, que toute personne qui étudie le champ religieux en Amérique latine ne peut manquer de rencontrer, suivi dans les années 60 des églises pentecôtistes, mais cette fois-ci nationales. Et ce changement-là est intéressant, puisqu'il y aurait une réappropriation par des Guatémaltèques eux-mêmes, puisque nous sommes dans le cas du Guatemala, de ces missions, pour fonder leurs propres églises, leurs propres, alors j'ose pas dire théologie, même si par certains côtés il y a des recompositions théologiques qui se produisent, et c'est suivi finalement dans les années 70, 80 pratiquement, par les églises dites néo-pentecôtistes, parmi lesquelles on trouve aujourd'hui les plus importantes et les plus visibles, notamment dans la capitale et aux alentours de la capitale, la Fraternidad Cristiana, la Casa de Dios, enfin les grandes dénominations. Bon. Cela étant posé, il faut ensuite revenir sur un élément d'analyse intéressant qui est la fameuse théologie de la prospérité. Pourquoi en parler ? Eh bien parce que là aussi, lorsque l'on aborde ce sujet, traditionnellement, l'explication qui est fournie au développement des églises néo-pentecôtistes, et j'insiste bien ici sur le terme néo-pentecôtiste, c'est de dire mais ces églises ont rencontré beaucoup de succès dans les populations parce qu'elles véhiculent la théologie de la prospérité. Alors fort bien, mais qu'est-ce que c'est ? Et là encore, sur la théologie de la prospérité, il y aurait beaucoup à dire, étant donné que nous avons tendance à la réduire. Moi, ça c'est une position que je tire des lectures que j'ai pu faire depuis un certain temps, à la réduire à un message pro-capitaliste néolibéral, ce qu'elle est en partie, évidemment, sinon ce ne serait pas possible de faire ce lien, mais ce qu'elle n'est pas totalement seulement. La théologie de la prospérité, en fait, il faudrait probablement la mettre au pluriel aussi, les théologies de la prospérité, parce qu'il y en a plusieurs acceptions. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner. Pour ne rien vous cacher, c'est peut-être ma naïveté de jeune doctorant qui refait surface, mais j'ai été un peu choqué, parce que moi, j'arrivais dans mon terrain de recherche avec cette idée qu'il y avait une théologie de la prospérité, mais je me suis aperçu que non, en fait, pas tout à fait. Bémol que je mets à mon propre propos, peut-être ne s'agit-il au fond que d'une manière d'interpréter la théologie de la prospérité par les églises locales, mais il n'en demeure pas moins que sur le fait, dans la réalité, c'est bien ainsi que des individus voient les choses, perçoivent les choses, et on est bien obligé d'en tenir compte. Alors juste pour mémoire, moi je suis allé un peu regarder ce que je pouvais trouver là-dessus. En fait, la théologie de la prospérité, son origine est nord-américaine, hein, ça, là-dessus c'est pas de contestation, notamment d'ailleurs le fameux millionnaire Andrew Carnegie, bien connu, qui se piquait de philanthropie et qui souhaitait aider son prochain par de bonnes œuvres, et notamment de bonnes valeurs comportementales, comme on l'a vu d'ailleurs dans un cadre très différent en Turquie d'ailleurs. J'ai trouvé l'exposé résonnant curieusement sur... Enfin, pas curieusement d'ailleurs, en fait, c'est pas tellement curieux, c'est plutôt assez logique sur ce sujet. Ce qu'on appelle le Gospel of Wealth, hein, c'est-à-dire la Bible de la richesse. Mais en réalité, le terme est un peu plus ancien. On peut le remonter à un personnage très connu aux États-Unis, moins connu chez nous, Russell Conwell, qui a fondé Temple University, donc des grandes universités de dénomination évangélique aux États-Unis, et notamment un discours que vous trouvez très facilement sur Internet, et chaque fois que vous consultez sur Internet, c'est très intéressant, c'est toujours mis quelque part, discours qui a été prononcé plus de 6000 fois par son auteur. Alors ça varie entre 5000 et 6000. Bon, je ne sais pas si le nombre d'itérations d'un discours vaut valeur intrinsèque à la chose, mais enfin. Et donc c'est Age of Diamonds, donc c'est une allusion à un passage biblique, je crois que c'est dans Timothée, me semble-t-il. Mais en tout cas, le discours lui-même, la première fois que ce discours a été prononcé, remonte à 1869. Vous voyez d'ailleurs tout de suite l'imprécision. On est entre 1869 et 1915. Alors pourquoi j'ai retenu 1915 ? Parce que c'est la date de publication écrite. Donc du coup, là au moins on sait que le discours a été écrit, publié, là au moins on a une version définitive, c'est clair. Je ne peux pas ne pas faire allusion à ce qui s'est passé dans les années 30 autour de James Fifield, un pasteur d'une église congrégationaliste à Los Angeles, qui a fondé donc en 1935 un mouvement qui s'appelait Spiritual Mobilization, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire, et si j'y fais allusion, c'est parce que ce mouvement est l'une des premières interactions directes entre cette réflexion théologique qu'on appelait déjà la théologie de la prospérité, pardon, et un aspect politique. En l'occurrence, James Fifield fonde ce mouvement avec l'aide de l'AMA, qui est un peu l'équivalent du MEDEF de l'époque, si j'ose dire, hein, l'association des producteurs américains, des manufacturiers américains, si je traduis littéralement. Et leur objectif est très simple, c'est de lutter contre le New Deal. Si vous vous demandez pourquoi, la réponse en est fort simple. Le New Deal est vu comme, je cite, un athéisme païen, et il s'agit de lutter contre la communisation de la société américaine. Je pense que le contexte de l'époque explique un certain nombre de réactions, mais enfin, ça oriente politiquement le discours de la théologie de la prospérité, qui n'était pas peut-être au départ nécessairement tourné sur cet aspect politique. Le message sera repris par d'autres, par exemple Charles Fismore, qui fonde Unity Church aux États-Unis en 1936, etc., etc. Les télévangélistes des années 50, Billy Graham, Pat Robertson par la suite, etc. On pourrait faire la liste, elle serait très longue. J'ai mis juste à l'écran un extrait d'un texte qui est tout à fait important pour ce qu'on appelle la théologie de la prospérité au XXe siècle. C'est ce qu'on appelle le Spiritual Covenant, Spiritual Mobilization Covenant, donc vous voyez la date 1944. En gros, ce qui est intéressant, c'est surtout la fin, j'aurais dû le surligner. Finalement, je m'engage, en souscrivant à cette idéologie, je m'engage à défendre les libertés fondamentales, c'est-à-dire free pulpit, la liberté de foi, finalement, free enterprise, la liberté d'entreprise, free press, liberté de la presse, et free assembly, la liberté d'assemblée, liberté politique, finalement. Vous voyez que ces quatre libertés-là sont mises sur la même ligne, en commençant d'ailleurs par la liberté religieuse, finalement. Et il s'agissait en fait ici d'un petit clin d'œil aux quatre libertés qu'avait élaboré, aux quatre droits qu'avait élaboré Roosevelt à l'époque. C'est une réponse du berger à la bergère, si j'ose dire. Mais ça marque très nettement une orientation particulière de la théologie de la prospérité à ce moment-là. Après cela, évidemment, les choses vont changer. On va accélérer un petit peu. C'est évidemment de se poser la question de savoir comment on peut expliquer, à partir de la théologie de la prospérité, le développement des mouvements pentecôtistes et néo-pentecôtistes. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'économie religieuse, qui fait du champ religieux un champ économique fait d'offres et de demandes. Bon, Yann Hakone et Stark en 94, la référence est connue, McBride en 2008. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2010, beaucoup plus proche de nous, Stark a repris avec un de ses anciens étudiants, Smith, le sujet, en montrant que il ne s'agit pas seulement de privation matérielle, c'est-à-dire que les classes les plus pauvres seraient sensibles au discours religieux parce qu'elles sont pauvres, et donc elles compenseraient dans le monde théologique, dans le monde de la croyance, leur relative pauvreté. Il s'agit bien d'une privation morale. Donc les gens se tourneraient vers la religion non pas par défaut de réussite matérielle, mais bien par défaut de réponse à leurs besoins, littéralement leurs besoins moraux. Et ça, c'est assez intéressant, c'est une manière d'éviter une trop forte économicisation, si j'ose dire, de l'économie religieuse. Je signale quand même aussi Andrew Chestnut qui montre aussi que si la théologie de la prospérité, décidément j'y tiens, a eu autant de succès en Amérique latine, c'est peut-être parce qu'elle s'est elle-même latino-américanisée. Alors tout à l'heure on avait une africanisation des choses, elle s'est sans doute latino-américanisée. Dans une interview qu'il avait donnée justement au Pew Research en 2014, Chestnut montre par exemple que, affirme ainsi que lorsque vous allez dans une église néo-pentecôtiste latino-américaine, que ce soit au Brésil, au Colombie ou au Guatemala, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez des chansons sur le rythme et sur les musiques qui sont écoutées par les populations. Vous voyez des pasteurs qui ressemblent aux gens auxquels ils s'adressent, etc., etc. Alors, dit-il, que l'Église catholique reste avec des chants très guindés, des choses très organisées, qui s'éloigneraient, etc. Enfin, bon, donc une dimension culturelle de la chose. Cela dit, il y a au moins trois éléments que l'on peut opposer à cela. La première chose, c'est que les congrégations sont loin d'être homogènes. Les travaux de Michel Garcia-Ruiz montrent bien, par exemple, que ce sont bien les néo-pentecôtistes, et pas n'importe quel pentecôtiste, qui sont sensibles à la théologie de la prospérité plus que d'autres. Et plus récemment, dans la thèse d'une jeune chercheuse norvégienne, Marja Bjune, qui a résidé et travaillé sur le Guatemala également, cette jeune chercheuse montre qu'il y a une différence, une sorte de segmentation, finalement, si on parlait en termes de marché, une segmentation du marché religieux, entre d'un côté des zones urbaines plutôt à classe moyenne et aisée, vers lesquelles se tournent les mouvements néo-pentecôtistes, et de l'autre côté, des zones rurales beaucoup plus pauvres, vers lesquelles, évidemment, se tourneraient d'autres dénominations. L'autre critique vient d'un spécialiste américain, Chapari, en 2014, qui montrait dans un de ses textes, notamment sur la spiritualité dans les zones plus à forte proportion indigène au Guatemala, qu'il y avait un problème avec la théologie de la prospérité. C'est que la théologie de la prospérité vous promet donc que si vous êtes un bon croyant, vous serez récompensé, Que se passe-t-il lorsqu'au bout de 30 ans, vous êtes un bon croyant, vous n'êtes toujours pas récompensé? C'est-à-dire que la pauvreté et les obstacles mis par le système néolibéral, je cite ici Chavary, seraient au fond la preuve de la non-effectivité de la promesse. Dès lors, comment les gens pourraient-ils réagir si l'Église n'était fondée que sur cette croyance de la théologie de la prospérité? Bonne question. Enfin, et surtout, de mon point de vue, les travaux de Claudia Dary, qui montrent, entre autres, elle n'est pas la seule, une perspective anthropologique, et par laquelle, en s'intéressant à des dénominations beaucoup plus modestes, là aussi en zone rurale et non seulement urbaine, on s'aperçoit au travers de l'étude de récits de vie que les individus, lorsqu'ils se tournent vers les églises pentecôtistes, néo-pentecôtistes, vous me permettrez de faire l'ensemble, expriment des besoins tout à fait différents. Ils ne vous disent pas qu'ils viennent là, et je l'ai observé moi-même dans des entretiens, ils ne viennent pas là pour savoir comment placer leur argent ou obtenir des bienfaits divins par je ne sais quel miracle. Ils viennent d'abord là pour retrouver de la sécurité dans un pays qui en manque cruellement, pour renforcer des liens familiaux dans des sociétés où les liens familiaux sont sévèrement secoués par l'immigration forcée, par la drogue et l'alcool, et aussi pour essayer de trouver des espaces dans lesquels ils peuvent faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire autrement dans la vie sociale. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé de croiser des données. Je me suis posé la question, est-ce que je pourrais trouver un moyen de prouver qu'il y a un lien? Et j'ai exploité les ressources d'un économiste et politologue guatémaltèque, Carlos Mendoza. Alors, je vais vous passer, vous voyez, ce genre de travail où on essaie de vérifier une corrélation entre le taux de pauvreté et la présence d'églises évangéliques. Alors, pour pas vous infliger tout, et puis parce que j'ai parlé trop longuement, ça, comme toujours, je vais vous montrer le petit tableau que j'ai tenté d'élaborer pour aujourd'hui. En haut, vous avez les 5 départements qui ont le plus gros taux de pauvreté. Et vous constaterez avec moi que ces 5 départements ont, en général, et avec une seule exception, la deuxième ligne, un nombre d'églises évangéliques pour 100 000 habitants assez réduit. Faible, pour tout dire. A l'inverse, sur la partie basse du tableau, les 5 départements, dont celui de la capitale, hein, Guatemala département, qui est aussi évidemment surtout Guatemala Ciudad, vous avez un taux de pauvreté très faible. Et un taux de présence des églises évangéliques très élevé. En conséquence, si je m'arrêtais à ce tableau, je serais pratiquement tenté de dire « Ah bah oui, effectivement, la théologie de la libération, de la prospérité. » Ouf, j'y tiens vraiment. La théologie de la prospérité fonctionne bien, effectivement. Les églises névo-pentecôtistes et évangéliques se tournent vers des classes aisées, rurales, ou des classes moyennes, genre... Je pourrais citer ici les travaux du professeur Schaeffer qui m'observe de loin et auquel je dois rendre hommage pour avoir éclairé mes premiers pas, parce que quelque part, effectivement, on a bien cette corrélation-là. Cela dit, ça n'est pas toujours vrai. Et vous voyez que dans les 2 catégories, on a au moins un département. Et il y a une douzaine de départements. Hein, donc il y en a un peu plus, il y en a 22, pardon. Donc la liste n'est pas complète, bien sûr. Mais au milieu, on a des situations qui sont tout à fait inconfortables pour le statisticien. C'est-à-dire que soit les départements sont pauvres avec beaucoup d'églises, donc ça invalide la thèse de l'attrait unique de la théologie de la prospérité, soit on a le contraire. Alors, qu'en déduire? Sans doute pas grand-chose, et peut-être pour conclure, quelque chose d'assez modeste, mais il me semble que vouloir répartir de manière assez carrée telle théologie envers tel groupe social, c'est aller bien vite en besogne. Il me semble qu'il y a des affinités, si j'étais Weberien, je dirais des affinités électives, et ces affinités électives sont certainement vécues comme telles par les individus qui s'inscrivent dans ces démarches de foi, mais en même temps, les explications qui font qu'un individu croit en quelque chose et applique cette croyance ou ces croyances dans sa vie, dans sa pratique personnelle, sont souvent beaucoup plus larges que sa simple inscription dans une échelle sociale qui reste d'ailleurs difficile à déterminer, autant que d'ailleurs l'est leur propre dénomination religieuse. Je vous remercie.